إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours aujourd'hui, donc le cours numéro 17, dans la lecture des hadiths du livre qui s'intitule « Umdatul Ahkam ». Et le livre de « Umdatul Ahkam » c'est un livre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, tirés de Al-Bukhari et Muslim, et qui expliquent ou qui parlent des règles de l'islam, hein? Comme dans les livres de fiqh, hein? Mais il n'y a pas d'autre sujet que le fiqh dedans. C'est-à-dire les hadiths qu'on appelle les hadiths de l'ahkam. Donc, ça commence par At-Tahara, et puis après ça va Salat, hein, Zakat, Saum, Hajj, et ainsi de suite. Donc, la différence entre les livres de hadiths des ahkam et les livres de fiqh ordinaires, c'est que les livres de fiqh, ils mentionnent les sujets, puis après ils mentionnent des preuves. Tandis que dans les livres de ahkam, de hadith, ils mentionnent directement les preuves, et après les ulama, ils expliquent les différentes règles qui peuvent être tirées des preuves. Donc c'est comme si tu pars à partir de la preuve au lieu de partir de l'explication des ulama. Donc, beaucoup d'ulama préfèrent cette méthode. Et surtout, les ulama de hadith, hein, ce qu'on appelle Ahlul Hadith. Pourquoi? Parce que tu t'en vas directement à la preuve. Et ça, c'est très bénéfique pour les musulmans, surtout du fait que ça, d'une certaine façon, ça ramène les musulmans à s'attacher plus au dalil qu'aux positions des différentes écoles de fiqh et des madhahib. Hein? Donc, alhamdoulilah, c'est une méthode très bénéfique et très utile d'étudier le fiqh. Mais ça ne veut pas dire que d'étudier le fiqh à partir des livres de fiqh, c'est pas bon non plus. Hein? C'est très bénéfique aussi. Hein? Donc, des fois, l'idéal ou le mieux, c'est de réunir les deux. D'étudier les hadiths des ahkam et de les comprendre comme il faut, de connaître leur degré d'authenticité et ainsi de suite, puis de réunir avec ça une bonne compréhension des questions de fiqh. Parce que certaines questions de fiqh ne sont pas nécessairement mentionnées dans les livres d'ahkam, puisque c'est des fois des questions d'ijtihad ou autres. D'accord? Donc, alhamdulillah, on continue là où on était rendu. On est toujours dans le chapitre de Babul Janaba, hein, al-ruslu min al-janaba, c'est-à-dire le fait de faire la grande ablution ou le grand lavage après avoir eu des rapports, yani, lorsqu'un homme il a des rapports sexuels avec sa femme ou vice-versa, yani, la femme a des rapports sexuels avec son mari, donc après ça, elle est en état de janaba, ou ils sont en état de janaba, ils doivent faire le grand lavage ou bien al-rusl pour se purifier, pour être en état de faire la salat. Donc on a parlé des détails là-dessus, mais il reste encore certains points à clarifier ou à mentionner. Le hadith maintenant qu'on va lire, c'est le hadith numéro 34. Je rappelle en même temps qu'on lit dans le sharh de Cheikh Al-Bassam qui s'intitule Taysir al-Allam. Taysir al-Allam, sharh umdat al-ahkam. Donc le hadith numéro 34, selon Abi Huraira, an Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. رواه البخاري ومسلم. نعم. Donc qu'est-ce que ça signifie, le sens de ce hadith selon Abi Huraira رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'homme se place entre les quatre membres de la femme, c'est-à-dire ses deux bras et ses jambes, il se place lorsqu'il va avoir un rapport sexuel avec sa femme, puis qu'il fait qu'est-ce qu'un homme fait avec sa femme, eh bien à ce moment-là il est obligatoire de faire le ghusl. Il est obligatoire de faire le ghusl. Et dans la narration de l'imam Muslim, ça dit même s'il n'a pas éjaculé, ça dit même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, il doit quand même faire le ghusl. Le cheikh, donc, il rapporte ce hadith, puis il explique certains termes. Gharib al-hadith, shu'abiha al-arba' yuridu bidhalika yadayha wa rijlayha. وهو كيانة عن الجماع وثم جهدها بفتح الجيم والهاء معناه بلغ المشقة بكدها وهو كناية عن الإيلاج. نعم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne l'expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, shu'abiha al-arba, ses quatre membres, c'est-à-dire ses deux jambes et ses deux bras, lorsque l'homme a des rapports intimes avec sa femme, il se place de cette manière-là, de façon à ce qu'il ait relation. Puis thumma jahadaha, le cheikh il dit, c'est dans le sens que lorsqu'il y a pénétration. Et il dit ensuite, والمعنى الإجمالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. Donc le cheikh explique le sens général du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'homme s'assoit et se place sur sa femme, et qu'ils s'entrelacent, les deux, leurs bras et leurs jambes, et que l'homme pénètre les parties intimes de sa femme, et pénétration de l'organe génital de l'homme dans l'organe génital de la femme, à ce moment-là, il est obligatoire pour les deux de faire le lavage, le grand lavage, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation de sperme de la part de l'homme. Parce que le simple fait d'avoir pénétré la femme, et bien à ce moment-là, ça fait que l'homme est obligé, et la femme aussi, de faire le grand lavage. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une éjaculation. اي نعم. فيعني الشيخ يقول: وما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الغسل من ايلاج الذكر في الفرج وان لم يحصل انزال، وثانيا يكون هذا الحديث ناسخا لحديث ابي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر انه لا غسل الا من انزال المني. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Lorsqu'il y a pénétration de l'organe génital de l'homme dans celui de la femme, il doit y avoir un rusul, obligatoirement. Et même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Ça, c'est le premier point qui est tiré de ce hadith. Et deuxièmement, ce hadith vient abroger le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que al-ma ou min al-ma, c'est-à-dire l'eau, on utilise l'eau, c'est-à-dire on va faire le rusul lorsqu'il y a la présence de sperme, lorsqu'il y a l'éjaculation. Al-ma ou min al-ma, c'est dans le sens que s'il n'y a pas eu d'éjaculation, tu n'as pas besoin de te laver, de faire le rusul. Mais ça, c'était avant. Ça a été abrogé par ce hadith-là, hadith qu'on a lu. Puis il y a d'autres hadiths aussi dans ce sens-là, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il al-taqa al-khitanan wajab al-rusul » « Il al-taqa al-khitanan wajab al-rusul » C'est-à-dire que lorsque la partie qui circoncit de l'homme pénètre dans le vagin de la femme, et bien à partir de ce moment-là, il est obligatoire aux deux de se laver, de faire le grand rusul, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Donc ça, c'est un point très important, parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas au courant de ça, donc ils risquent de rester impurs s'ils ne font pas le rusul après avoir eu des rapports intimes, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Donc ça, c'est un point très important. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية نعم donc c'est un hadith comme tous les hadiths de ce livre qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. C'est rapporté selon Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, et lui ainsi que son père était chez Jabir ibn Abdullah, et il y avait des gens présents avec eux. Alors ils lui ont posé la question au sujet du rusul, et Jabir ibn Abdullah, un des sahaba, il a dit, une sa' te suffit. C'est quoi une sa'? La quantité de ce qu'on appelle as-sa' an-nabawi. C'est la quantité de 4 contenants de tes deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble, à peu près. C'est relatif, la grandeur des mains, parce qu'on n'a pas tous les mêmes grandeurs des mains. Il y en a qui ont des grosses mains, d'autres des petites mains, donc. Mais de façon générale, des mains moyennes, les deux mains collées, lorsque tu les remplis d'eau, ça équivaut à peu près à qu'est-ce qu'on appelle un sa'. Et c'est un volume, sa', c'est un volume. Et comme on peut en juger, si on dit quatre fois le contenant des deux mains collées, ça fait pas beaucoup d'eau, Donc, Jabir ibn Abdullah dit, ça te suffit. Une sa', ça te suffit. Alors, un homme qui était présent a dit, moi, ça me suffit. Ça me suffit pas. Il dit, moi, ça me suffit pas. Alors, Jabir, radiallahu anhu, il a dit, toi, ça te suffit pas, mais pourtant, quelqu'un qui avait plus de poils sur lui, il avait plus de cheveux et de poils que toi, et qui était meilleur que toi, ça lui était suffisant. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant il avait plus de poils, plus de cheveux, hein, et il était meilleur que toi, et pourtant ça lui suffisait à lui. Donc comment est-ce que tu peux prétendre que ça ne te suffit pas à toi? Et ensuite il a dit qu'il nous a dirigés dans la prière dans un seul vêtement. Ça c'est la narration de Al-Bukhari. Ensuite, dans une autre narration, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vidait trois fois de l'eau sur sa tête pendant qu'il faisait le ghusl. Après avoir fait le ghusl, il vidait trois fois de l'eau sur sa tête. Et l'auteur, il dit, l'homme en question, c'est-à-dire celui qui l'a dit, cela ne me suffit pas, c'est Hassan, le fils de Muhammad ibn al-Hanafiyya. Muhammad ibn al-Hanafiyya, c'est le fils d'Ali ibn Abi Talib. Et c'est son fils qui a dit ça, le fils de Muhammad ibn al-Hanafiyya. Donc c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Naam. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith de façon générale, hein? Le Cheikh Al-Bassam, il dit, كَانَ يعني رحمه الله الذي كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة فقال جابر كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا نعم وخير منك فيكون أحرص منك على طهارته ودينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, le cheikh il explique le sens général du hadith. Il dit que Abu Ja'far ainsi que son père, ils étaient en présence du noble compagnon Jabir ibn Abdullah. Et il y avait d'autres personnes avec lui. Et ils ont demandé à Jabir, et les gens qui étaient là ont demandé à Jabir qu'est-ce qui était suffisant comme eau, hein, la quantité d'eau qu'on peut utiliser pour faire le ghusl lorsqu'on est junub, on est en état de janaba, hein, après avoir fait des relations sexuelles avec notre épouse, hein, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme eau. Et il a dit une sa, ça te suffit. Une sa, ça te suffit. Alors Al-Hassan, le fils de Muhammad ibn al-Hanafiyya, était présent dans les gens qui étaient là avec Jabir, et il a dit, cette quantité-là, moi, ce n'est pas suffisant pour moi, pour faire le ghusl de la janaba. Alors, Jabir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et pourtant, c'était suffisant pour quelqu'un qui avait plus de cheveux, plus de poils que toi. Hein? Et il était meilleur que toi, et il était encore plus méticuleux pour sa purification et sa religion que toi. Alors il dit, ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة. Oui, c'est ça. Donc tout à l'heure j'ai pas expliqué comme il faut à la fin quand il dit ثم أمنا في الصلاة. Il parle du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl de la janaba avec un sa', puis après avoir fini de faire ce ghusl, il nous dirigeait dans la prière, il nous guidait dans la prière avec un vêtement. Donc ça veut dire que, hein, il dit, ça veut dire que ce ghusl qu'il faisait avec cette petite quantité d'eau, c'était suffisant pour lui pour se purifier, la purification nécessaire pour faire la salat. D'accord? Donc il a mentionné le fait qu'il les dirigeait dans la salat pour cette raison-là, pour montrer que c'était pas juste pour se laver, mais pour même en plus pour se purifier, pour être capable de faire la salat ensuite. Il dit ما يؤخذ من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? أولا وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإضافة الماء على العضوي وسيلانه عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. Premièrement, l'obligation dans le ghusl de la janaba, c'est yani, de mettre l'eau sur les membres du corps, sur le membre du corps, et de le faire parcourir, de faire couler sur le corps, ou passer sur le corps. Du moment que ça s'est produit, alors on a établi ce qui était obligatoire, on a fait ce qui était obligatoire. C'est-à-dire de faire en sorte que l'eau soit répandue sur le membre qu'on lave. Il dit ensuite, ثانياً في قال في بداية المجتهد. Ça c'est le livre de Ibn Rushd, بداية المجتهد. لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه ولا على عدمه. Donc il dit le cheikh dans, il cite بداية المجتهد, un livre qui est un livre de fiqh aussi, mais qui parle des divergences entre les ulama. Et il dit dans ce livre que on ne peut pas se baser sur ce hadith-là pour prouver qu'il faut frotter le corps quand on fait le ghusl, et on ne peut pas non plus l'utiliser comme preuve pour le fait qu'on ne doit pas le faire non plus. On ne peut pas l'utiliser pour prouver qu'on doit frotter l'eau sur le corps. Puis on ne peut pas l'utiliser non plus pour dire qu'on ne doit pas le faire non plus. Il dit comme point numéro 3, anna as-sa' alladhi huwa arba'atu amdad yakfi lil-ghusli min al-janaba. Qala ibn Daqiq al-'Aid wa laysa dhalika 'ala sabil at-tahdid faqad dallat al-ahadith 'ala maqadir mukhtalifa wa dhalika wallahu a'lam لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. Donc il dit que as-sa', qui est comme j'ai dit tout à l'heure quatre fois le contenant des deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble, c'est suffisant pour le ghusl lorsqu'on est en impureté majeure à cause des rapports intimes. Et l'imam ou le cheikh Ibn Daqiq al-Aid, il dit, ça c'est pas pour dire que c'est une limite absolue, dans le sens que il y a des hadiths qui mentionnent différentes quantités. Et il dit, Allahu a'lam, Allah sait mieux, mais que ça peut être différent selon les moments et selon les situations et les cas. Comme par exemple, dans une situation où il n'y a pas beaucoup d'eau, et dans une autre situation où il y en a beaucoup. Il ne faut pas que quelqu'un, par exemple, s'imagine que ah bon, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait avec une sa', donc je ne veux plus jamais faire avec le rasoul avec plus qu'une sa'. Puis là, il se limite toujours à ça. Non. Ça dépend des situations, ça dépend des temps. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, tu ne veux pas gaspiller, tu ne veux pas faire plus attention. S'il y a beaucoup d'eau, donc tu vas pouvoir utiliser une plus grosse quantité d'eau, il n'y a pas de problème. Donc il faut aussi voir, par exemple, si tu es en voyage, tu es en bateau ou tu es par exemple en voyage quelque part où il n'y a pas d'accès facile à de l'eau ou des choses comme ça, puis que tu as suffisamment d'eau pour faire le ghusl, tu as une sa' d'eau ou deux, donc tu vas l'utiliser pour faire le ghusl, tandis que si tu es chez toi, t'as ton bain qui est là dans ta maison, tu peux juste prendre la quantité d'eau que tu as besoin. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Non. Est-ce que l'eau salée peut être utilisée? Non, l'eau salée peut être utilisée. Non, l'eau salée peut être utilisée pour faire le ghusl. Ainsi que pour les ablutions. Oui. Même qu'il y a un hadith très très célèbre sur le sujet de l'eau de mer, justement, parce que les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement parce qu'ils partaient parfois pêcher, et ils amenaient avec eux qu'une petite quantité d'eau pour boire, et donc ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, parfois on part pour pêcher en bateau, puis on amène juste un petit peu d'eau avec nous. Est-ce que si on utilise cette eau-là pour faire le wudu, on va avoir soif, on n'en pourra plus boire, donc est-ce qu'on peut utiliser l'eau de la mer pour faire la purification? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. C'est-à-dire que cette eau-là de la mer, elle est tahour. Tahour, ça veut dire qu'elle est purifiante. Et tout ce qui est dedans est halal. Al-hillu maytatu. Même les poissons dedans, si tu les as pas tués, tu trouves un poisson qui est mort, tu peux le faire cuire puis le manger, même s'il n'a pas été égorgé. Parce que on sait que c'est pas comme les animaux de terre. Les animaux qui vivent sur la terre et les animaux qui vivent dans l'eau. Les animaux qui vivent dans l'eau, ils sont halal, pas besoin de les égorger pour qu'ils soient halal. Non. Donc l'eau de mer peut être utilisée pour faire le wudu, pour faire le ghusl sans problème. Dans le bateau, c'est-à-dire que l'utilisation du tayammum, c'est lorsqu'il n'y a pas d'eau. C'est ça, lorsqu'il n'y a pas d'eau, oui, là tu fais le tayammum, mais aussi lorsque tu crains d'utiliser de l'eau, puisque par exemple on va dire que tu dis tu es malade ou tu as une blessure ou tu as quelque chose de grave qui fait que si tu vas utiliser de l'eau, ça risquerait d'empirer ta situation, et tu crains d'utiliser de l'eau à cause de ça, donc dans ce cas-là tu as le droit de faire le tayammum. Mais non, ça remplace l'eau, hein. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Mais oui, le ghusl, le tayammum, il vient remplacer il vient purifier de l'impureté majeure et de l'impureté mineure. Eh non, al hadath al akbar wal hadath al asghar. Na'am. Barakallahu fik. Donc quand tu utilises de l'eau avec les allergies, ça te crée des soucis. T'as le nez congestionné et tout. Bon, dans ce cas-là, si tu fais ton wudu puis que ton nez est congestionné, de toute façon, des fois, tu arrives même pas à aspirer l'eau de ton nez correctement. Mais tu fais cette partie-là, tu rentres jusqu'à ce que tu peux, même si c'est pas jusqu'au fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, Inch'Allah, ça c'est correct. Parce que là, dans ce cas-là, ton nez est congestionné, donc c'est normal. C'est comme lorsque tu as le rhume. Hein, tu ne peux pas inspirer facilement l'eau à l'intérieur de ton nez. Donc, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Non, c'est ça. Ce n'est pas les cheveux, c'est le cuir chevelu qui doit être mouillé. C'est trois poignées d'eau pour le cuir chevelu. Naam. Et où est-ce qu'on était ensuite? Le cheikh il dit ensuite an-nassar. Ok, on a dit ça. Après il dit istihbab at-takhfif fi ma' at-tahara, c'est-à-dire qu'il est recommandé d'utiliser moins d'eau pour faire ton ghusl. C'est quelque chose qui est recommandé. Si tu le fais, c'est bien. Mais si tu utilises plus, c'est pas interdit non plus. D'accord? Wa al-inkar ala man yukhalif sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dans le hadith, on peut également comprendre aussi la condamnation de celui qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc, on voit dans l'exemple. Lorsqu'il a dit par exemple moi c'est pas suffisant pour moi, hein, et bien Jabir lui a répondu en lui disant mais c'était suffisant pour quelqu'un qui avait plus de cheveux, hein, que toi et qui était meilleur que toi. Donc c'est montrer que celui qui contredit la sunna, yani, surtout de la, aussi c'est la façon comment, hein, la réponse a été donnée. Il dit moi ça me suffit pas. Yani, c'est un petit peu comme si prétentieux d'une certaine façon. Donc il lui a répondu un peu durement pour le remettre à sa place, pour lui faire comprendre comment on doit agir envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec respect, et de dire écoute, hein, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus, il fait plus attention que toi à sa purification et à sa religion. Donc si ça lui suffisait à lui, donc ça doit te suffire à toi aussi. Dis pas ça de cette façon. Dis pas ça te suffit pas de cette façon. Hein? Donc on retrouve beaucoup d'exemples comme ça dans les paroles des sahaba. Quand ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna, hein, ils sont parfois très durs dans leurs réponses lorsqu'ils voient que quelqu'un manque d'un certain respect dans la façon d'en parler. Le cheikh il dit ensuite, justement on parlait de ça, on rentre dans Bab al-Tayammum. Bab al-Tayammum, c'est lorsqu'on n'a pas de... Il y en a qui disent les ablutions sèches. Les ablutions sèches, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'eau, on peut faire l'ablution sans utiliser l'eau. Il y en a d'autres qui ont traduit ça par d'autres expressions, un peu, parfois un peu plus étranges, comme, je ne sais pas si vous avez entendu, la lustration pulvérale. J'ai lu ça dans un livre une fois. Pour expliquer les règles de l'islam en français, c'était un livre traduit, puis c'était écrit la lustration pulvérale. Donc c'est un mot comme si quand tu lis ça, ça fait peur même des fois. Si tu sais pas c'est quoi, oui. Mais ça c'est pour montrer des fois aussi comment certains traducteurs cherchent trop à vouloir utiliser des mots français pour expliquer chaque chose. Ouais, la pollution sèche, c'est beaucoup plus clair. Sinon, la tayammum, tu gardes le mot tayammum et puis tu l'expliques. C'est mieux, toujours mieux d'arabiser le français que de franciser l'arabe. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours mieux comme si d'arabiser le français que de franciser l'arabe. Parce que c'est la langue du Coran et c'est la langue des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la langue de l'islam, yani pour comprendre la religion d'Allah. Naam. Ok, donc le cheikh il explique التيمم في اللغة القصد وقال تعالى ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام. Donc il mentionne ça par rapport au sens linguistique. Voilà, tayammum al-khabith aussi, des fois les ulama ils mentionnent un autre dalil aussi. Il dit thumma naqala an 'urf al-fuqaha ou fi 'urf nuqila fi 'urf al-fuqaha ila mash al-wajh wal-yadayn bi shay'in min as-sa'id li'anna al-masih qasada ila as-sa'id. وقد عرف عرفه بعض العلماء بقوله طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique que le terme tayammum, ça veut dire, dans le sens linguistique du mot, al-qasd, c'est-à-dire l'intention, al-qasd, na'am, ouais, tayammum, ça veut dire l'intention, ou bien, comment je pourrais dire, quand tu vises quelque chose, Et il mentionne comme exemple de ça, pour montrer le sens linguistique, le verset 2 dans Sourate Al-Ma'idah. verset 2, dans Surat Al-Ma'ida, je vais vous mentionner la traduction en français. C'est dans le verset Ya ayyuha alladhina amanu la tuhillu sha'a'irallah wa la ash-shahr al-haram. Puis il dit dans le verset, il dit wa la al-hadya wa la al-qala'ida wa la amin al-bayt al-haram. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni Al-Qala'id, c'est les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Donc, Amin al-Bayt al-Haram, ça veut dire quoi? Amin, ça veut dire ceux qui se dirigent vers, se diriger vers. Donc, ça veut dire viser, avoir l'intention ou avoir. Oui, avoir un objectif spécifique. Donc tout ça, c'est des situations, des significations, pardon. Je vais vous mentionner l'autre verset aussi que vous retrouvez souvent mentionné par les ulama pour expliquer le sens linguistique du mot tayammum. Oui, c'est le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 267. qui mentionne également le sens linguistique du terme tayammum. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Qui signifie: ô vous qui avez cru, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Donc ne vous tournez pas, c'est ça le terme. Voilà, tayammamul khabith. C'est ça le sens de. Et ne vous tournez pas vers. Quand il dit voilà, tayammamu, c'est-à-dire et ne vous tournez pas vers. Al-Khabith, yani ce qui est vil, pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez pas qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire, tu donnes aux gens ce que toi tu n'aimes pas. Non. Hein? Il ne faut pas faire ça. Donc, tayammum, c'est dans le sens de Al-Qasd. D'accord? Linguistiquement. Sauf que dans la définition du fiqh, selon les ulama du fiqh, les fuqaha, c'est défini comme étant le fait de s'essuyer le visage et les mains avec de la terre. Ok? Et là, pourquoi? Parce que la personne qui le fait, elle se tourne vers la terre quand elle le fait, quand elle frappe ses mains sur la terre pour le faire. Et il dit وَقَدْ عَرَفَهُ أو عَرَفَهُ الْعُلَمَاء ou بعض العلماء بقوله طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء. Il dit que d'autres ulama l'ont défini comme étant une purification avec de la terre. طهارة ترابية. تراب, c'est de la poussière. En fait, c'est dans l'utilisation quand on dit par exemple qu'on fait le tayammum. C'est dans le verset, ça dit فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Donc les gens ont habitude de croire que c'est avec de la terre, mais c'est pas que avec de la terre qu'on peut faire le tayammum, mais avec aussi de la poussière, hein? Tout ce qui découle de la terre, pas seulement de la terre. Depuis qu'il y a de la poussière dessus, tu peux l'utiliser pour faire le tayammum. Il dit que c'est d'utiliser de la terre pour se purifier en se frottant le visage et les mains avec cette poussière ou cette terre lorsqu'il n'y a pas d'eau ou lorsqu'on n'est pas capable de l'utiliser, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas capable d'utiliser l'eau. Des fois il y a de l'eau, mais si on l'utilise, ça va nous faire du mal, ça va nous faire du tort, ça va nous nuire. Donc dans ce cas-là, on n'utilise pas, on peut pas l'utiliser tant qu'on fait le tayammum, on est excusé. Il dit wa huwa min khasa'is hadhihi al-umma al-muhammadiyya allati yassara Allah al-umuraha. C'est-à-dire ça, là, le fait d'utiliser le tayammum, faire le tayammum, d'utiliser la poussière ou la terre pour se purifier, c'est une des particularités de la umma de l'islam. Et c'est une des choses par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la religion pour les musulmans. Et une chose qui montre la facilité de notre sharia, de notre législation islamique. Et on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala a retiré toute difficulté, il nous a rendu facile toutes les différents aspects, il nous a donné une issue pour chaque problème. Hein? Et il nous a purifié intérieurement et extérieurement. Et tout ça, c'est par l'exemple de la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة فلا شك في حكمه أو فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم وهو ثابت في الكتاب العزيز والطهارة أو السنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية ويقتضيه القياس الصحيح. Donc le cheikh il explique que lorsqu'il n'y a pas d'eau, qui est une des deux sources de la vie, l'eau c'est la source de la vie, et la terre aussi c'est une des sources de la vie parce qu'on est créé de terre, et donc pour pas perdre cette purification qu'on a besoin de façon totale ou absolue, donc on a lorsqu'on n'a plus d'eau, l'eau qui purifie l'intérieur et l'extérieur, eh bien on a besoin de se purifier par quelque chose. Donc on n'a plus cet élément ou cet élément complet pour se purifier, et donc on retourne à la purification en utilisant l'élément de la terre pour arriver à se purifier comme il faut. Au moment où on n'a pas d'eau. Il n'y a pas de doute qu'il y a une sagesse dans ça, il y a un bienfait dedans pour celui qui a reçu le bonheur d'avoir la compréhension correcte. Et le tayammum, il a été établi dans le Coran, dans la Sunna, et selon le consensus de la Umma, et également c'est confirmé par l'analogie correcte, le qiyas. Donc le cheikh il mentionne le hadith qui est le numéro 36, le hadith 36 au sujet du tayammum ici dans ce chapitre. Il dit an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qawm faqal ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qawm faqal ya Rasul Allah أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui était à l'écart alors que les gens étaient en train de faire la salat, lui il était à l'écart des gens, il ne priait pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh toi un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec les gens? Alors il a dit: ô messager d'Allah, j'ai été atteint par al-janaba, c'est-à-dire j'ai perdu mon ablution, j'ai une impureté majeure et je ne trouve pas d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors utilise la terre parce que cela te suffira, certes. Et ça c'est rapporté par al-Bukhari. Et naam. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari. Mu'tazilan yani munfaridan 'ala al-qawm. متنحيا عنهم وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا. Donc معتزلا, hein, معتزل ça veut dire écarté. Ça veut dire écarté. C'est pour ça qu'on appelle la secte des Mu'tazila, on les appelle Mu'tazila. Je pense que vous savez pourquoi. C'est à cause de celui qui l'a fondé, cette secte, c'est Wasil ibn Atta, qui était un élève de Al-Hassan al-Basri. Et lui, il était un de ses élèves, mais à un moment donné, il a divergé avec Al-Hassan al-Basri au sujet, comme on dit, celui qui fait des grands péchés. Est-ce qu'il est croyant ou non? Donc Al-Hassan al-Basri, il a expliqué que celui qui fait des grands péchés, même s'il a fait des grands péchés, il est toujours un croyant. Hein? Sauf que sa foi est faible. Et que s'il meurt, il sera sous la volonté d'Allah, s'il meurt sans se repentir de ce péché-là. Hein? Soit il va être pardonné et il va entrer au paradis directement, ou soit que Allah subhanahu wa ta'ala peut le punir un certain temps, puis à la fin Allah va décider, bien entendu, va le faire rentrer au paradis, mais il ne sera pas éternellement en enfer comme les mushrikines. Donc ça, c'est la position de Ahl Sunna wal Jama'a au sujet de celui qui a commis des grands péchés parmi les musulmans. Toutefois, lui, Wasil ibn Atta, il a dit non, celui qui fait des grands péchés, il n'est pas croyant, puis il n'est pas mécréant, mais il est dans un degré entre les deux. Donc il a inventé cette nouvelle bid'ah. Et à partir de ce moment-là, il s'est écarté dans la mosquée du cours de Al-Hassan al-Basri. Et c'est pour ça qu'on les a appelés, ces gens-là, Al-Mu'tazila. Ceux qui se sont écartés, des gens de la Sunna. Donc ici, on voit ici le terme Mu'tazilan. Quand un Mu'tazilan, il parle d'un sahabi qui était à l'écart des autres. Il ne faisait pas la salat avec eux. Donc c'est de qui on parle dans ce hadith là on parle de Khalad ibn Rafi', et il a assisté à la bataille de Badr. Donc c'était un grand parmi les sahaba, et donc il est resté à l'écart, parce qu'il était impur, il était dans un état d'impureté plutôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alayka bis-sa'id, as-sa'id wajh al-ard wa ma 'ala minha. Donc as-sa'id, c'est quoi? C'est ce qui est à la surface de la terre. C'est ce qui est au-dessus de la terre. ومعنى الحديث الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم. Donc le cheikh, il dit que le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de subh le matin avec les sahaba, puis lorsqu'il a terminé sa salat, il a vu un homme qui n'avait pas prié avec les autres. Alors on voit ici l'exemple de la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il était bon dans sa façon d'appeler les gens à Allah. Il n'a pas été agressif avec lui, il n'a pas été violent ou n'a pas critiqué. Pourquoi tu n'as pas prié avec les gens? Non. Il lui a demandé la cause. Il n'a pas critiqué la personne avant d'avoir su pourquoi la personne n'avait pas prié. Donc il lui a dit: oh toi Utel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous, de prier avec les gens? Alors il dit: فَشَرَحَ عُذْرَهُ فِي ظَنِّهِ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ جَنَابَهُ وَلَا مَاءَ عِنْدَهُ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَيَتَطَهَّرُ فَقَالَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لَكَ مِنْ لُطْفِهِ ما يقوم مقام الماء في التطهر وهو الصعيد فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. Donc le cheikh, il dit que l'homme a expliqué son excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il pensait être une excuse, et il a dit qu'il a été atteint par l'impureté majeure, il n'avait pas d'eau, donc il a retardé la prière jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. pour se purifier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné quelque chose, hein, par sa douceur, il t'a donné quelque chose qui pouvait remplacer l'eau lorsque tu n'en as pas, hein, pour te purifier, et c'est la terre. Alors il a dit, je t'enjoins à utiliser de la terre, parce que c'est suffisant quand il n'y a pas d'eau. D'accord ? Faire le tayammum. ما يؤخذ من الحديث أولا التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. Donc ici le cheikh il mentionne des points qui sont tirés de ce hadith là. Premier point, que le tayammum il remplace l'eau, il remplace entièrement le ghusl, hein, lorsque quelqu'un veut se purifier de la janaba. Comme qu'est-ce que le frère l'Hassan il a posé tantôt la question justement. Il a dit, est-ce que le tayammum, il peut être fait même pour le janab, hein? Et justement, on voit dans ce hadith l'exemple qui mentionne que le sahabi en question était junub. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire le tayammum. Ça prouve que le tayammum, il est valable non seulement pour la petite impureté, mais l'impureté majeure aussi. Même lorsque c'est pour une janaba ou des choses de ce genre. Pas seulement pour l'impureté mineure. Donc il a le même effet, ou plutôt le même, il s'utilise pour les mêmes raisons que pour lesquelles on utilise l'eau. D'accord ? Et il dit, deuxième point, أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله. وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. Donc il dit que on n'a pas le droit d'utiliser le tayammum excepté si on n'a pas d'eau, ou que d'utiliser de l'eau va nous nuire, va nous faire du tort. Donc l'homme a mentionné son excuse qu'il n'avait pas d'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé son excuse et il lui a expliqué quoi faire par la suite. ثالثا لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك فلعل له عذرا وأنت تلوم. Le cheikh il mentionne un point important, et ça c'est tiré de ce hadith là. Il dit que si tu vois quelqu'un qui a un manquement ou qui ne fait pas quelque chose qu'il était supposé de faire, eh bien précipite-toi pas à vouloir critiquer violemment la personne ou la blâmer, avant d'avoir compris ou d'avoir demandé à la personne de clarifier la cause, pourquoi elle a eu ce manquement là ou pourquoi elle ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'elle devait faire. Parce que peut-être que la personne en question a une excuse, elle a peut-être une raison qui justifie la chose qui a fait en sorte que la personne n'a pas pu faire ce qu'elle devait faire. Non. Donc toi tu vas la blâmer alors que la personne est excusée, la personne elle a une excuse. Et ça doit être une leçon pour nous dans notre façon de parler aux autres. Quand on veut leur parler de la religion de l'islam, quand on veut leur expliquer des choses qui ont rapport avec la religion, il y en a qui passent toujours à l'attaque, hein, directement. Ils voient quelqu'un qui ne fait pas quelque chose, « Eh, ça c'est haram, ou ça c'est pas correct, ou ça tu dois faire ça, pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Non, il faut commencer par poser la question à la personne, « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Est-ce que tu as une excuse? Est-ce qu'il y a une raison qui fait que tu n'as pas fait telle ou telle chose? Peut-être que la personne n'était pas au courant. Peut-être que la personne, il lui manquait quelque chose ou des choses de ce genre. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me rappelle souvent, il y a des gens qui disent. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues au début, lorsque j'étais nouveau dans la religion musulmane, lorsque j'étais converti à l'école, au secondaire, on était au secondaire à l'époque, on faisait la salat à l'école. Puis, je me rappelle, il y avait un jeune musulman, à chaque fois, on l'appelait pour venir faire la salat avec nous, et puis il disait, non, je peux pas, je suis sale. Je suis sale. Je ne peux pas prier, je suis sale. On voit exactement l'exemple de ce qui est mentionné dans ce hadith. Donc, comment tu peux, comme tu te lèves le matin et tu es par exemple en janaba, peut-être que la personne en question elle a fait un rêve érotique, elle a eu une éjaculation dans son sommeil, elle se lève et elle ne fait pas le rosul, elle s'en va à l'école. Déjà, tu sais que tu es obligé de faire la salat. Et tu es obligé de faire la salat dans son temps. Donc, est-ce que c'est justifié de ta part de quitter ta maison sans faire le rosul? Le faire le rosul, c'est aussi obligatoire que de faire la salat. Donc, tu dois faire ton rosul avant de quitter ta maison. D'accord? Et si tu es venu à l'école sans avoir fait le rosul, qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, c'est d'aller faire ton rosul. Hein? Pour pas manquer ta salat, sinon tu vas passer toute la journée sans faire tes prières obligatoires et ça c'est haram. Mais là t'as pas d'excuse parce qu'il y a de l'eau. Tu peux pas dire il y a pas d'eau. Je suis à l'école et déjà il y a de l'eau, il y a de l'eau partout. Donc il y a toujours un moyen, tu vois. Dans certaines écoles polyvalentes, même les grandes écoles secondaires, il y a des piscines. Tu peux aller dans la douche, tu fais ta douche. S'il y a des douches, tu peux faire ta douche. Tu peux faire ton rosul. Toujours il y a une solution. Non, donc ça c'est juste en passant une note comme ça. Mais sinon, avant de quitter ta maison, lave-toi. Fais ton rosul. Hein? Dis pas, je suis sale. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non, donc... C'est juste pour dire, comme le professeur sallam, blâme pas la personne avant d'avoir su pourquoi il n'a pas fait ou pourquoi il a fait telle ou telle chose. Et le dernier point que le cheikh mentionne parmi les explications des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith, c'est le point numéro 4. جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. Le point numéro 4 que le cheikh a mentionné ici, il dit la permission d'utiliser son jugement dans les questions de science en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le sahabi en question a pensé que du moment qu'il avait été atteint par une impureté majeure, il ne pouvait pas prier jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Et il s'est détourné complètement du fait que le verset dans le Coran qui parle du tayammum, yani, il pensait que ça c'était spécifique à l'impureté mineure. Donc, comme le frère il a posé la question tout à l'heure, justement. Est-ce que tu peux faire le tayammum pour la djanaba? Oui, tu peux faire le tayammum pour la djanaba. L'impureté majeure comme l'impureté mineure, lorsqu'il n'y a pas d'eau ou lorsque d'utiliser de l'eau va te faire du tort. Non. Il y en a qui, comme tu dis, utilisent des roches, ils mettent des roches dans les mosquées pour faire le tayammum avec. Et ça, c'est pas nécessaire d'utiliser une roche. Il y en a qui pensent que d'utiliser une roche, s'il y a de la poussière sur la roche, oui, il n'y a pas de problème. Des fois, c'est ça. C'est que qu'est-ce qui est surprenant, c'est ça. C'est que la roche, il y a aucune poussière dessus, et les gens l'utilisent pour faire le tayammum. Donc, Allahu a'lam. Non. Donc, de toute façon, on va en reparler ça au prochain cours, parce qu'on va mentionner le hadith du tayammum et l'exemple. Ça, on va en parler demain, inshallah, d'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, puis demain, on continuera avec le reste des explications de qu'est-ce qui a rapport avec comment faire le tayammum. Et les règles qui sont reliées à ça, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ouais, après Asr, inshallah.